2. Le Mont-Saint-Michel, après le départ des clercs indignes, allait entrer dans la grandeur de son rôle, porter un drapeau et devenir forteresse. Il fallait une force. L'archange y appela non point des soldats mais des moines, ce qui précède suffit à expliquer pareil choix. Avec ses hôtes nouveaux, les moines, le Mont-Saint-Michel disait adieu à l'humble passé de sa collégiale. Il allait avoir une architecture, une histoire, un art, des sciences, une gloire, car toute gloire en ces siècles derniers était sortie du cloître. Les grands ministres, Éloi, Alcuin, les grands évêques, Saint-Martin, Saint-Hilaire, Saint-Césaire, Saint-Germain, les grands docteurs, Salvien, Paulin de Nôle, Cassiodore, Sulpice Sévère, Combède le Vénérable, comme plus tard Saint-Anselme, Saint-Bernard et tant d'autres flambeaux de la foi. Les fils de Saint-Benoît, prenant possession de la montagne angélique, apportaient avec eux ce faisceau extraordinaire d'aptitude, apanage de leur ordre qui savait bâtir les cathédrales, modeler les statues, sculpter les rétables, tailler les colonnes, ciseler les ostensoirs, chauffer les vitraux, enluminer les manuscrits. Les fils de Saint-Benoît savaient tout. Ils allaient être tout ici, et plus que tout, car il leur fallait vaincre l'impossible. On a dit depuis que des ouvriers zélés avaient pu seuls édifier leurs merveilles. Ils étaient 30, choisis avec soin dans les plus respectés monastères. Il y avait parmi eux de très hauts dignitaires et même un abbé qui déposait ainsi la crosse pour venir, simple moine, à l'appel de l'archange, tant la voix du sanctuaire criant à Dieu de lui créer un cœur pur remuait puissamment le monde catholique. Aussitôt que les 30 furent réunis, formant ensemble ce droit esprit par lequel Dieu renouvelait les entrailles polluées de la maison de son ange, ils durent procéder au choix d'un chef, selon le privilège qui leur avait été accordé, ou plutôt offert et presque infligé par la triple autorité dont relevait l'abbaye naissante, le pape, le roi, le duc. Celui-ci que le roi appelait son marquis, comme ayant la garde d'une marque ou frontière, le pieux Richard sans peur avait voulu asseoir son institution nouvelle sur des bases vraiment solennelles et solides. Il s'était adressé d'abord au vicaire de Jésus-Christ, à qui toute obéissance est due, et Jean XIII, alors assis dans la chaire de Saint-Pierre, avait répondu en cette forme « Que tous les fidèles sachent que moi, Jean, par la clémence du Créateur, pape indigne du Saint-Siège de Rome, j'appuie et confirme volontiers l'établissement formé sur la montagne de Saint-Michel, à la condition qu'il reste soumis à l'ordre monastique qui le possède présentement, et que les moines eux-mêmes élisent l'un d'entre eux pour pasteur. » Après s'être adressé au pape, Richard, selon son devoir de vassal, en référa au roi, et le roi répondit par ce commandement, Praecemptum, qui est resté célèbre, au nom de la sainte et indivisible Trinité, Lautaire, par la grâce de Dieu, roi, qu'il soit notoire à tous nos féaux, présents et à venir, qu'il existe un lieu nommé de Saint-Michel, situé S région de la mer, in Maris Pelago, lequel en ces temps derniers, Richard, marquis des Normands, a restauré dans une meilleure forme, avec l'autorité du Seigneur Jean, pape du Saint-Siège de Rome, en y réunissant un convent de moines observateurs infatigables des lois divines. Pour le corroborer et lui donner une stabilité perpétuelle, le dit Seigneur Pape, le marquis susnommé et Hugues, archevêque de Rouen, ont fait parvenir à nos oreilles une pétition qui a rendu heureuse notre excellence. Aussi avons-nous résolu de faire comme ils l'ont postulé. C'est pourquoi de notre autorité royale et de notre indulgence, nous accordons à jamais, par ce praecemptum de notre confirmation, que ce lieu demeure inviolablement soumis à l'ordre dans lequel il brille présentement, savoir l'ordre monastique, commandant en vertu de notre royale puissance qu'aucun des rois nos successeurs, que nul marquis de nos états, pas plus que les évêques qui dans la suite des temps se succéderont sur le siège de Rouen, n'ose enfreindre ce que nous avons établi par un décret inviolable, afin que ceux qui servent Dieu puissent le faire librement et prier pour nous et notre royaume que nous tenons de Dieu. Et voulant que ce praecemptum obtienne une vigueur plus stable encore, nous l'avons signé de notre main. donné le 7 des Ides de février, la 12e année du règne du Seigneur Lothaire, Indiction 10e, fait à l'an heureusement. La décision du Saint-Siège et le commandement du roi exprimaient la volonté même de Richard sans peur. Les 30 se réunirent donc en chapitre pour exercer ce droit que tant de hautes sanctions faisaient légitime et choisirent dans leur propre rang l'abbé, le père, pour garder la divine appellation empruntée par saint Benoît à l'évangile même, Abbas, Pater, et Ménard fut élu. Il était de illustre famille, dit Don Thomas le Roi, et né de parents de haute condition. Le Gallia Christiana semble lui assigner la Gaule Belgique pour patrie. C'est à lui que nous faisions allusion tout à l'heure en parlant d'un abbé redevenu simple frère pour répondre à l'appel de l'archange. Ménard avait gouverné l'abbaye de Fontenelle, il renonça au pouvoir pour venir combattre plus valeureusement sur ce rocher avec les armes de l'obéissance. Il accepta humblement la dignité qu'il n'avait point briguée et qui lui était rendue par la juste admiration de ses frères et fut proclamé premier abbé du Mont-Saint-Michel au moment même où le duc Richard déposait sur l'autel de l'archange la charte qui, richement estorait, selon Rob Wess, l'abbaye dont il était le protecteur et le vrai fondateur. Don Huyn ajoute « Ainsi commença en ce mont l'observance de la règle de saint Benoît, et ainsi ces belles fleurs cueillies ès cloistre bénédictin commencèrent à fleurir en ce palais des anges. » Le premier soin de Ménard fut non pas de restaurer, mais de créer la bibliothèque du mont, car en dehors de 4 ou 5 ouvrages, tels que la légende de l'apparition de saint Michel, conservée dans les manuscrits d'Avranches sous le numéro 211, le Speculum de Saint-Augustin et les œuvres de Cicéron, les clercs infidèles avaient tout emporté. Aidé de son neveu, qui portait son nom et devait lui succéder, Ménard parvint, soit au moyen d'achat, soit par la copie, à réunir les documents les plus rares et les plus précieux, ce qui, en ce temps, implique une véritable puissance de travail et un savoir considérable. Pour donner une idée de la valeur élevée du livre en général, il suffit de mentionner l'anathème fulminé souvent contre quiconque se rendait coupable de la soustraire. Je traduis ici une formule de ce genre, inscrite à la fin d'un des volumes de Ménard. « Ceci est un livre appartenant à Saint-Michel-Archange, commencé par Gontier, homme vénérable, mais écrit en majeure partie par Martin, moine. Si quelqu'un le soustrait, qu'il soit anathème, ainsi soit-il, qu'il le soit, ainsi soit-il, dans le Seigneur. » Sous Ménard, la réputation du Mont-Saint-Michel allait déjà si haut que 3 de ses moines furent appelés, les 2 premiers au gouvernement de 2 grandes abbayes, Hérivarde, à Gembloux, Guérin, à Cérisy, le 3e, Roland, à l'évêché de Dôle. Cette dernière exaltation eut lieu ensuite du désir exprimé par Conan, comte de Bretagne, qui vint au mont, renouant ainsi la série des pèlerinages. C'était le premier souverain depuis Charlemagne qui savait, et c'était une part de son génie, la protection à lui octroyée par l'archange, puisqu'il avait fait broder sur sa bannière cette devise « Michel, le grand prince, est venu à mon secours. » Michael, Princeps Magnus, venit in adjutorium mihi. L'auteur du roman d'Aquin et de la conquête de l'Armorique, encore inédit, est beaucoup plus explicite et plus complet que Guillaume de Saint-Père lui-même, déjà cité par nous au sujet du voyage de Charles. Il montre le roi et ses barons hissant de France, passant Normandie et descendant au pays des ermites. Le roi entend à Saint-Gervaise la messe de l'évêque Thiouat, Thierry, riche et de bonne vie. Après la messe, avec l'évêque, Némon, les barons et le grand host, armé, conduit par le duc Nesme et Fagon, il chevauche jusqu'au mont, où le bon roi de saison, comme de raison, va faire son oraison qu'il appuie de grande oblation, 5 mares d'argent et 1 riche mangon. Ce n'est pas sans motif que je suis revenu à ces poèmes romans, dont l'ensemble forme notre seule épopée nationale. La langue de ces poèmes, vieux français énigmatique et intraduisible pour les gens de nos villes, est à un degré très remarquable la langue même qui se parle encore à Jersey, malgré l'injure de l'occupation anglaise, et sur toutes les côtes de la baie de Saint-Michel, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie. On connaît d'une manière certaine l'origine normande de plusieurs de ses poèmes. Le roman d'Aquin, quoiqu'il soit anonyme, porte en soi la marque de famille par l'accent, les mœurs et la minutieuse connaissance qu'il a de topographie toute locale. Les mêmes observations se peuvent appliquer à la chanson de Roland, que M. Léon Gautier a si brillamment popularisée et illustrée. Elle vient ici naturellement à cause de Charlemagne, et Léon Gautier lui-même, le maître de l'école des Chartes, couronné tant de fois pour ses combats savants, éloquents, victorieux, livrés en faveur du vrai Parnasse chrétien français, serait peut-être de notre avis pour placer ce Parnasse au fait même du Mont-Saint-Michel. Il y a tout un cycle hippopéique inspiré par la montagne des miracles et par l'esprit qui en descendait pour inonder les contrées voisines. Saint-Michel est partout dans la chanson de Roland et précisément sous son nom Montois, d'ange du péril. Quand Charlemagne y convoque ses cours plénières, c'est le 16e jour d'octobre, date de l'apparition, quand on y mesure la France de l'est à l'ouest. Les limites en sont déterminées par Saints et Saint-Michel du péril. Enfin, à l'heure où Roland rend à Dieu sa grande âme, c'est Saint-Michel du péril qui lui est envoyé en consolateur. Deus, litramist son angel chérubin, et Sainte Michiel de la mer del péril. C'est Saint-Michel avec Saint-Gabriel, c'est le prince et celui qui vient le premier après le prince, qui emporte à Dieu cette âme de paladin où vivait la passion de la patrie. Non seulement Conan de Bretagne fit pèlerinage au mont, mais à l'heure de mourir, 992, il y voulut sa sépulture. Ménard l'avait précédé d'une année dans la tombe. Sous le second élu, Ménard II, un incendie éclata dans la Pandula Villa, dont les maisons étaient collées aux moutiers. L'incendie, arme d'enfer, devait poursuivre la maison de Saint-Michel à travers les âges. Ce premier embrasement eut des proportions considérables. Le feu, ayant gagné de proche en proche, détruisit non seulement les logis monastiques, mais l'église elle-même. Il n'y eut de préservé, et comme nous le verrons, par une providence spéciale, que la retraite occupée naguère par le mauvais clerc Bernererius ou Bernier. Ce n'était certes point pour les mérites de ce malheureux homme, mais bien, au dire de Don Huyn, pour Robert lui-même, à cause que ses saintes reliques y étaient cachées. À partir de l'incendie, jusqu'à la mort de Ménard II, arrivé en l'an 1009, les légendes miraculeuses surabondent. On approchait du millénaire marqué pour la fin du monde, selon l'opinion très enracinée dans toutes les classes de la société, et les esprits se tournaient vers les choses surnaturelles. Je mentionnerai seulement l'aventure de Norgod, le Danois, évêque d'Avranches, qui entretenait avec Ménard une de ses belles amitiés chrétiennes, rappelant la mutuelle tendresse de père et de Scubilion. L'évêque et l'abbé avaient coutume de se rencontrer sur la grève entre Avranches et le Mont pour conférer ensemble des intérêts spirituels du pays. Une nuit que Norgod ne pouvait dormir, il ouvrit une fenêtre de son palais épiscopal qui regardait le monastère de son ami et poussa un cri de terreur en voyant que le mont était tout environné de flammes. Il se souvenait de l'incendie récent et crut que les bâtiments étaient de nouveau la proie du feu, mais cette fois les lueurs étaient si terribles qu'il réunit tous ses chanoines à la cathédrale et récita avec eux l'office des morts pour ceux qui déjà sans doute avaient subi le jugement de Dieu. Mais de même que les envoyés de Père et de Scubilion s'étaient croisés dans l'ostuaire du Tar, porteurs de dolentes nouvelles, de même, mais avec un étonnement joyeux, l'évêque croisa son vénérable ami sur la grève, vers le lieu accoutumé de leur rendez-vous. Ménard était sain et sauf. Au premier rayon du jour, le mont Saint-Michel apparaissait intact. D'où venaient donc ces grandes lueurs de la nuit et cet apparent incendie? Alors, comme plus tard répondent les chroniqueurs, il se livrait dans l'air autour du mont de mystérieuses escarmouches, épisode de la bataille éternelle. L'évêque, dit l'histoire générale de l'abbaye, reconnut apertement que le feu qu'il avait vu ne signifiait autre chose que la présence des bienheureux esprits. Et cela le toucha au point qu'il déposa la mitre pour embrasser la vie du cloître, où il mourut sous l'habit de saint Benoît en odeur de sainteté. Richard Semper, bienfaiteur constant de l'abbaye, était mort dès l'année 996. Il s'était montré durant sa vie, dit un auteur contemporain, le soutien des pauvres, le défenseur des veuves, le rédempteur des captifs. Quand une discorde éclatait entre ses sujets, il l'apaisait sans retard, ou par lui-même ou par ses envoyés, à cause des paroles de l'Écriture « Heureux les pieds qui portent la paix ». Les religieux du Mont-Saint-Michel gardèrent à sa mémoire une longue et sincère reconnaissance. Don Huyn, qui écrivait 600 ans après sa mort, dit qu'outre les prières quotidiennes, on chante tous les ans, pour le repos de son âme, de ses amis et alliés, une messe solennelle le 21 de novembre, jour qu'il mourut, et on distribue à chacun de ceux qui se présentent ce jour-là pour recevoir l'aumône, qui sont ordinairement 3 à 4 000, 16 deniers. Gonore, la veuve de Richard, ne fut pas moins généreuse que lui. Le copiste du cartulaire de Robert de Torigny montre la duchesse repentie, tenant en main et présentant la charte de donation de la baronnie de Bretteville et de Don Jean. À Richard Semper succéda Richard le Bon, son fils aîné, qui eut à approuver l'élection du nouvel abbé, Hildebert, choisi par la sagesse de Ménard mourant et proposé au suffrage des moines qui l'accueillirent avec une véritable joie. C'était un jeune homme qui venait après deux vieillards, esprit vif, mœurs graves, vertus si hautes que le duc, répondant aux envoyés qui venaient lui annoncer ce choix, qualifia le nouvel élu d'homme resplendissant d'un divin privilège, Verum divino mi cantem privilegio. Ce ne fut pas cependant par ses actes personnels, à peu près inconnus, que le gouvernement d'Hildebert eut de l'éclat, mais bien par la série d'effets providentiels qui ne cessa de se dérouler à l'intérieur du monastère. Le premier de ces faits, l'invention du corps de saint Aubert, raconté dans la vérité de ses détails, aurait l'intérêt d'une œuvre d'imagination. Hildebert, à l'exemple du premier Ménard, prenait son repos dans une chambre voisine de l'église, en compagnie de quelques moines gardiens attitrés du sanctuaire. Entre cette chambre et le moustier servant de logis à tous était l'ancienne retraite de la bête fauve, comme Bernier est appelé, où le corps d'Aubert se trouvait caché depuis l'arrivée des moines au mont. Une nuit, les hôtes de cette chambre, séparés aussi bien que les habitants du grand monastère, furent réveillés par un fracas produit dans l'ancienne cellule de Bernier, comme si quelqu'un eût cherché à s'enfuir hors de là en forçant le toit. À ce bruit, chacun se lève. On croit à des voleurs, on entre. Personne dans la cellule, aucune trace de violence à la muraille ni au plafond, rien. Nul n'ignorait le crime de Bernier. Si on ne cherchait plus le saint objet volé, c'est qu'on avait perdu tout espoir de le trouver. Un événement si singulier ranima le grand désir assoupi dans tous les cœurs, et l'on manda un certain Foucault, neveu de Bernier, qui demeurait en la ville, mais restait très fidèle au monastère. Aux questions qui lui furent faites, Foucault répondit qu'il n'ignorait pas que son oncle avait mis en lieu secret les restes du Saint-Évêque, mais que ce lieu ne lui était point connu. On insista, Foucault fit appel à ses souvenirs et finit par dire « Je me souviens qu'étant tout jeune, j'ai porté de nuit sur mes propres épaules, dans cette demeure-ci, les ossements sacrés que mon oncle avait renfermés en un vase. Où les a-t-il déposés ensuite, je ne sais. Toutefois, j'ai mémoire qu'il fit établir sous les poutres de la maison un nouveau plafond en planches très solides. » Ces paroles donnèrent à penser aux religieux. On pria et jeûna, puis la communauté se rendit encore à l'ancienne retraite de Bernier dans l'intention de la sonder et fouiller de fond en comble. Il n'en fut pas besoin. À peine eut-on dérangé quelques planches du plafond qu'on vit les poutres entre lesquelles étaient plusieurs vases et coffrets, dont l'un contenait des ossements et portait cette inscription « Hic requescit G. P. S. Domni aut Berti abricatensis epsi ». Tout ce récit est empreint d'une remarquable simplicité. C'était un 18 juin au commencement de la prélature d'Hildebert. Le fait retentit dans tout le monde chrétien, laissant derrière soi une trace profonde. Le Gallia Christiana marque en effet que par la suite, les religieux des prieurés dépendants du Mont furent tenus de se rendre à pareil jour chaque année à l'abbaye pour en célébrer la commémoration, et le lendemain 19 s'ouvrait le chapitre général. L'invention du corps saint d'Aubert et sa restitution à la piété des fidèles fut le signal d'un véritable déluge de grâce. Nous ne pourrions plus, même en les abrégeant, donner place aux merveilles dont les chroniques sont pleines. La renommée de ces prodiges, dont quelques-uns ont gardé une célébrité populaire, allait par le monde et se répandait avec une rapidité extraordinaire jusqu'aux pays les plus éloignés d'où elle ramenait la foule des pèlerins. On se racontait en Angleterre, en Italie, en Allemagne, l'histoire de ces deux religieux du Mont, l'un faible et vieux, l'autre robuste et puissant de jeunesse, pris ensemble de la même fièvre et couchés côte à côte à l'infirmerie. Le faible qui agonisait déjà fit un grand acte de foi aux reliques du saint, marqué par le doigt de l'archange, et se leva ressuscité. Le fort, le jeune, se moqua, et l'agonie de son voisin passa en lui pour ne se terminer que dans la mort. On répétait aussi l'aventure touchante de la pauvresse d'Avranches, paralytique, et demandant avec larmes, un jour de beau soleil où la procession se faisait, qu'on la portât en l'ombre jetée par le reliquaire. Les gens riaient de sa naïve envie, mais elle parvint à se traîner jusqu'à cette ombre tant souhaitée. Et tout aussitôt, se dressant sur ses jambes percluses, agitant ses bras inertes et plus froids que la pierre, elle cria le Magnificat d'une voix que nul ne connaissait, car sa gorge n'avait pas vibré depuis des années. Ce n'est pas par fatigue, encore moins par scepticisme, que je fais un choix si limité parmi les traditions surnaturelles de cette époque. Ce n'est pas non plus par la crainte que j'aurais d'être bafoué dans ce monde des intelligences éclairées où j'ai vécu si longtemps. Ce que ce monde pense au sujet des choses inexplicables par la raison humaine est très confus et peu fait pour trancher les difficultés réellement nombreuses en cette matière. On y traite, il est vrai, avec un mépris cavalier, la sainte foi et ce qui s'y rapporte, mais on y est indulgent et même caressant pour les plus enfantines crédulités. On y admet volontiers le spiritisme et ses gymnastiques folâtres. J'ai vu un soir des hommes d'État de première sorte, rangés autour d'une table dont le pied avait l'honneur d'être Socrate, et qui écoutaient avec une solennelle gravité les incohérences que ce grand philosophe toquait pour eux sur le parquet. J'ai admiré un neveu de Molière qui collaborait avec quelqu'un de la planète de Saturne. On lui en savait un gré infini. J'ai connu une muse de véritable mérite et tout à fait au-dessus du niveau courant des muses dont les meilleures illustrations de ce siècle venaient voir le crayon rédigé tout seul. Ce crayon valait 1 franc, il a été vendu 50 louis, mais il ne marche plus. Dans ce monde, on est excessivement friand de miracles, pourvu qu'ils ne soient faits ni par le bon Dieu, ni par ses saints. Il n'est pas rare d'y entendre des causeurs, en titre d'office, commencer leurs improvisations étudiées qui mendient la popularité de salon, par ces mots toujours bien accueillis. « Moi d'abord, je suis superstitieux. » C'est aimable. Beaucoup de dames trouvent cela charmant. Dans ce monde, le succès ne s'achète jamais très cher, encore y fait-on crédit. Non, je ne m'arrête pas devant ce monde non chrétien, qui me regarde avec pitié parce que ma « superstition », comme il dit, n'est pas une de ces petites crédulités mouillant à peine la plante des pieds, mais la grande foi de salut où tout entier on se plonge. Je m'arrête devant des chrétiens d'un certain genre, il est vrai, des chrétiens de milieu et de compromis. J'ai peur d'eux, et je l'avoue. Aussi, désirant ne point scandaliser ces chrétiens tremblants, et voulant cependant donner ici une des plus jolies légendes du Mont-Saint-Michel, je prends ce biais adroit de l'accueillir chez le poète luthérien Huland, qui lui a consacré un lied. Pour parler à mon aise de Jésus et de la Vierge et de l'ange sans aucunement effaroucher personne, je vais donc me cacher derrière le protestant Huland, comme il a imité lui-même avec la plus exemplaire obéissance le poème manuscrit de notre bibliothèque nationale. Voici le lied allemand. Il était une église bien connue sous le nom de Saint-Michel-du-Mont, à l'extrémité de la Normandie, sur la crête d'un roc escarpé qu'entoure la mer de tous côtés, à l'exception d'un seul par où, quand le flot se retire, s'ouvre un chemin praticable. Un jour de grande fête, de nombreux fidèles se hâtaient d'arriver à la Sainte Messe, mais le flux les surprit, et chacun de s'enfuir à travers les sables. Seule une pauvre femme, sur le point d'être mère, manqua de force et se trouva arrêtée dans sa course par les douleurs maternelles. Elle tomba sur la grève et y demeura sans être aperçue de la foule, parce que chacun pensait à son propre salut. Tout le monde avait échappé au péril et avait déjà gagné le rivage quand on aperçut enfin la pauvre femme, et aussi les vagues tout près d'elle. Il était trop tard pour la secourir, on se mit à prier. Se voyant si près de mourir et hors du secours des hommes, elle aussi invoqua tout haut Jésus et Marie et l'archange. Les pèlerins ne l'entendirent pas, mais au ciel, son cri fut entendu. La douce Mère de Dieu, là-haut, se lève de son trône, la sainte patronne, pleine de pitié, étend un voile impénétrable sur la pauvre femme qui, protégée de la sorte, fut gardée de la fureur des flots, car au sein même de l'onde, le voile de la Vierge lui faisait un abri. Le temps du reflux approchait, la multitude se tenait encore sur la côte. Nul n'espérait que la pauvre femme fût sauvée. Alors la mère se retira, et hors de l'abîme, on la vit sortir saine et sauve, tenant entre ses bras un bel enfant qui, sous le voile de Marie, était né. À cette vue, prêtres et peuples furent touchés d'admiration et de joie, et se montrant les uns aux autres ce doux miracle, ils remercièrent le Seigneur et sa mère. Cette fois, c'est Hulande qui parle de miracle. Je ne me sens pas compromis. L'abbé Hildebert, malgré l'extrême difficulté de ce travail, fit dresser en plein sable, au milieu même où le prodige s'était accompli, une colonne haute de 100 pieds qui fut célèbre sous le nom de la Croix des Grèves jusqu'au XVIIe siècle, où elle disparut emportée par la mer. On en revit les fondations énormes en 1632 et en 1745, selon Don Huyn et T.H. Leroy. En fin de nos jours, vers 1854, la C et la Célune, réunies dans un de leurs caprices, ayant dégagé encore une fois ces robustes assises, les pêcheurs de la baie s'y rendirent en procession. Hildebert mourut le 17 janvier 1017. Hildebert II, son neveu, fut élu en convent pour lui succéder, et non seulement le duc Richard approuva ce choix excellent, mais il vint en l'abbaye célébrer ses noces avec Judith, fille de Geoffroy, premier duc de Bretagne, qui assista de sa personne au mariage. Cette union avait une importance considérable à cause des sanglantes rivalités qui existaient entre Bretons et Normands depuis Rollon et donnaient lieu à de continuelles incursions. Celle des Bretons se renouvelait surtout si souvent que les abbés du Mont-Saint-Michel, bien placés pour les voir arriver par la voie de Dole et le gué du Couesnon, firent fondre une cloche nommée la Rollon qu'ils sonnaient pour rassembler les guerriers normands. Les deux maisons ducales, en s'alliant, espéraient mettre un terme à ces guerres de dévastation et donnèrent aux cérémonies du mariage une très grande solennité. Hildebert nourrissait en lui une très haute pensée. Richard la comprit et la partagea. En 1023, il ouvrit son trésor ducal au vaillant abbé qui avait commencé tout seul, tout à la fois, sans secours, la reconstruction du monastère, incendié 30 ans auparavant, et l'édification d'une basilique grande comme le culte de l'archange. L'entreprise au début dut paraître téméraire. Pour faire grand, il faut en effet une large base. Or, comment trouver une pareille base à la pointe d'un roc ? On fut obligé de la créer de toutes pièces. On la créa non seulement large, mais belle et si solide que ni le prodigieux fardeau qu'elle porte, ni le poids de 9 siècles n'ont pu la fatiguer. Comme l'espace manquait pour établir sur la pointe du rocher une église suffisamment vaste, on dressa de forts piliers, on éleva des murs robustes, on fit des voûtes puissantes, formant une chapelle souterraine sur laquelle fut placée la nef du temple. M. Corroyer, l'habile architecte chargé de la restauration du Mont-Saint-Michel, juge ainsi l'œuvre d'Hildebert, interrompue trop tôt par la mort, C'est à l'abbé Hildebert II, écrit-il, qu'il faut attribuer les vastes substructions de l'Église romane qui, principalement du côté occidental, ont des proportions gigantesques. Cette partie du Mont Saint-Michel est des plus intéressantes à étudier. Elle démontre la grandeur et la hardiesse de l'œuvre de l'architecte Hildebert. Au lieu de saper la crête de la montagne, et surtout pour ne rien enlever à la majesté du piédestal, il forma un vaste plateau dont le centre affleure l'extrémité du rocher, dont les côtés reposent sur des murs et des piles et forment un soubassement d'une solidité parfaite. Cette immense construction est admirable de tout point, d'abord par la grandeur de la conception et ensuite par les efforts qu'il a fallu faire pour la réaliser au milieu d'obstacles de toute nature, résultant de la situation même, de la difficulté d'approvisionnement des matériaux et des moyens restreints pour les mettre en œuvre. Comme en même temps que l'église, Hildebert ébauchait le monastère, nous croyons que le piédestal conçu par lui avait un double but. M. Victor Jacques, très versé dans les traditions bénédictines, a rendu ce double but sensible dans son opuscule trop modestement intitulé et qui, aux qualités usuelles d'un guide, unit un véritable mérite d'érudition. Hildebert, selon M. V. Jacques, voulait, malgré les obstacles de toute espèce, obtenir un plan ordinaire de lieu régulier, comme dans tous les monastères de l'ordre de Saint-Benoît. Et ce plan régulier fut obtenu au prix d'une dépense de volonté, d'intelligence et de force vraiment extraordinaire, qui produisit par surcroît une échelle de chef-d'œuvre, grâce à des entassements de voûte sur voûte, de salle sur salle, d'audace sur hardiesse, on peut le dire, dont la seule pensée était faite pour effrayer la plus intrépide imagination. Si l'abbé Hildebert eut, comme le croit M. Corroyer, la préconception d'un pareil ensemble, il mérite incontestablement l'emphase du mot « architecte » qui lui est appliqué dans la citation qui précède, et mérite même beaucoup d'avantages. C'était un moine architecte. De nos jours, voici ce qui reste des constructions d'Hildebert. En premier lieu, une crypte, désignée assez improprement sous le nom de crypte de l'Aquilon. On a voulu l'attribuer à Robert de Torigny, mais les ogives qui partent de fûts à peine ébauchés offrent un caractère plus ancien. Il y a dans l'ornementation rustique des chapiteaux, dans la puissante brièveté des colonnes monolithes, dans la profondeur des cintres qui soutiennent le mur au midi, tous les signes du XIe siècle. Les révérends pères missionnaires ont placé dans cette ombre une statue de la Vierge qui l'éclaire d'une mystérieuse piété. En second lieu, la nef, ou plutôt les trois nefs souterraines, connues sous le nom de catacombes. Au centre se trouvait le charnier des moines, auquel on accédait par un large escalier de granit, bouché lors du raccourcissement de la basilique en 1776. La catacombe du nord est moins large, son aspect seul proclame l'effort qui lui est confié, des piliers épais s'y appuient contre d'autres piliers plus athlétiques encore. Une tradition dit qu'elle contenait autrefois une chapelle des trépassés. L'autel des morts était bien dans cet intérieur de sépulcre. Au midi, la catacombe se rétrécit de même, et davantage. Elle est divisée par un arc doubleau et présente à sa voûte une bouche destinée à laisser passer des tuyaux pour l'usage d'une citerne qui y fut établie. Avant d'être citerne, cette même substruction servait de caveau au trésor de l'église. On y mettait en sûreté, aux jours de guerre, les reliques, les ornements et les vases sacrés. Ce qui frappe dans la masse de ces édifices enfouis, dont les colonnes sont des monstres, c'est une obéissance toute puissante. Cela est captif, aveugle, patient. La forêt que forment ces arbres de pierre, trapus comme des fungus énormes, et ne voyant même pas la merveille qui est leur cime, fait songer aux épaules d'un Atlas chrétien, volontairement opprimé sous le poids d'une expiation plus lourde qu'un monde. Ne repoussez pas cette figure. Ce que portent ces choses colossales, c'est la basilique de Saint-Michel. Or, depuis le commencement, Saint-Michel veille auprès du cœur de Jésus, dont l'expiation est le secret éternel. En troisième lieu vient la chapelle des 30 cierges. C'est une crypte beaucoup plus haute que les précédentes et très large, qui emprunte maintenant une lueur indécise à la salle des chevaliers au moyen d'ouvertures semblables à des jours de souffrance. La voûte d'arête y est divisée en deux travées par un arc doublot dont les portées s'appuient contre des piliers plats à simple moulure engagés dans les murailles. Au XVIIe siècle, les agents du cardinal de Lorraine écornèrent le demi-cercle que cette voûte formait vers l'Orient. Enfin, et en quatrième lieu, les nefs de l'église supérieure jusqu'au dôme, qui excitent surtout aujourd'hui l'admiration des innombrables visiteurs. Nous ne pouvons décrire ici l'ensemble de la basilique à laquelle manquaient son chœur et ses voûtes, mais dès ce temps-là, quoique la nef eût les quatre travées qui lui ont été soustraites au XVIIIe siècle, le vice nécessaire de sa construction apparaissait. Je veux parler de l'étroitesse extrême des bas-côtés, provenant de la conformation même du rocher, lequel ne présentait pas assez de largeur pour qu'on y pût appuyer des arcs à grande poussée. Dans les murailles, on remarque trois zones distinctes. La première formée par des arcades aux chapiteaux historiés. La seconde, triforium, présentant des cintres géminés, vitrés en losanges, et dont l'entrecolonnement montre le travail particulier de maçonnerie connu sous le nom d'opus reticulatum. Par la dernière zone, la lumière pénètre à travers des fenêtres encadrées de moulures et ornées de colonnettes. Tel est le bilan des œuvres encore existantes, attribuées à Hildebert et qu'il dut accomplir en un laps de temps étonnamment court. Je ne surprendrai personne en disant que toute une montagne de pages aussi érudites que confuses et contradictoires a été noircie à ce sujet. Il y a eu ici alentour la verbeuse mêlée des cerveaux gourmands de science et qui ne la digèrent pas bien. Textes, conjectures, systèmes se sont pris aux cheveux avec cette candeur fougueuse de la dissertation qui croit à tout, qui doute de tout, qui casse tout pour regarder dans tout et qui démolirait jusqu'au fondement des cathédrales si au lieu d'une plume on lui confiait un pic. Les dissertations sont unanimes pour dire en bloc qu'Hildebert II a fait beaucoup, mais dans le détail, une dissertation lui prend ceci, l'autre lui dérobe cela, et en fin de compte, rien ne lui reste, ou presque rien. Je souhaite, sans l'espérer, que la décision compétente de M. Corroyer tranche définitivement la question. Son mot, l'architecte Hildebert sonne comme un verdict et désigne au respect reconnaissant des âges le premier des maîtres ouvriers qui, depuis Saint-Aubert, travaillèrent sous l'inspiration immédiate de l'archange. Nous allons voir au cours de notre livre la plantation monumentale de ce grand semeur croître, feuiller, fleurir, selon le plan régulier de la pensée bénédictine, et produire enfin cette corbeille de fruits glorieux dont la beauté appelle l'admiration des peuples, parce que leur ensemble, chef-d'œuvre de l'art catholique, a reçu du moine, héritier du grand évêque Aubert, le piédestal commandé par Saint-Michel lui-même.